solo na motema na lela mokili chérie Flora ngai mawa anga na dangwe o chérie Flora bolingo na yo. C'est vrai maintenant, j'ai compris. Je n'ai jamais été qu'un étranger. Les oiseaux aiment l'air, les poissons l'eau. Et moi, je n'aime que toi. Je resterai planté là, comme un roseau, contre vent et marée. Donc, l'amour, c'est dans le cœur, et non dans l'abstrait. Abena, oh, je m'en à Paris, hein. Réseau Sengo, l'aimé oh rongo Atalé les flora au copé sa ziza raison oh rongo Tala ziza na yo aleli oh mingi Flora yo kanga mawanga y mwana ya bato oh.